au son de la contrebasse, tournez la page. Mais oh, c'est quelle heure? Oh. Bouloche! Je suis toute seule là. Il est parti. Attends. Calme. Bon. C'est de la fête, zut! Comment je l'éteins déjà? 1, 8, 2, 2, 3! Oh non, c'est pas du tout ça! 1, 8, 3, 4, 6, 5, 2, 2, 9, 2! Oh! Qu'est-ce que c'est beau le silence du matin? Ah non, plus tard la douche automatique! Oh, c'est bon! Ah, le voilà. Activation des lunettes directionnelles. Gouille de l'égout. Rien. Dépôt des embarras. Rien. Cimetière des miettes. Rien. Salle d'attente des détritus. Rien. Lise, réfléchis bien fort. Où peut bien être Bouloche? Hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? Bouloche a crié de bouffe, des tartines des crocs, éperlure frotte-frotte, sous vité, lâche hop, fil tendu, bureau, vérifier. Livraison de cracheurs de choses, plouc, la porte, tchac-tchac, feuille, stylo, inventaire, oui, non, disparu, oui, truc, nouveaux arrivants, zig-zag-souk, empilé, classé, vidé, tac-tac-tic-tac-tic-tac, c'est midi. Stop, huile, poêle, steak de reste, chut, escalope de poussière, miam-miam, stop. Salle d'attente, ding-dong-ding-dong, bonjour vous, oui, suivez-moi s'il vous plaît. Boîte à outils, pouf-paf, salle d'opération, coller, souder, taper, couper, casser, vider, limer. Bureau, salle d'opération, bureau, salle d'opération. Flûte, stop, oubli, tcha, oh, bureau, rangé, test, oui, fest, tout, tout. Test, ok, boîte à outils, linge, douche, musique, la la la la la la la, tic-tac-tic-tac, c'est 20h. La boîte à outils. Oh là là, mon Bouloche. Bouloche, je t'ai oublié. Rangé comme un tournevis. Oh. Tu m'en veux? Je sais, pardonne-moi, c'est ma tête. Elle mériterait un bon coup d'aspirateur à méninges. Je m'en poussière. Mais non, tu sais bien que j'ai pas fait exprès. J'ai que toi, Bouloche. Allez, viens, on a du travail. Le cracheur de choses a été généreux cette nuit, d'après ce que mes oreilles ont entendu. Ah, bien sûr, j'entends de nouveau. Le coton-tigeateur marche à merveille, figure-toi. Je sais, Bouloche, je sais. Moi aussi, parfois, je me sens un peu abîmée. Et j'aimerais bien qu'on resserre un peu mes écrous. Allez, ils nous attendent. C'est l'heure de la pêche aux survivants. Récapitulons, Bouloche. Livraison du jour, un arrosoir qui fuit ses responsabilités, une chaise unijambiste, une lampe pleine d'idées noires, une perruque dégarnie sur la nuque. Une selle à faire peur à n'importe quel cheval. Des stylos vides d'inspiration. Le reste d'un sandwich au thon. Un paillasson qui s'est fait marcher dessus toute sa vie. Un trophée de chasse plus très triomphant. Un ampli muet. Un coussin anorexique. Une map monde sans Amérique. Un parapluie passoire. Un miroir fendu. Un miroir fendu. On pourrait en faire une boule à facettes, non? Je note. Tu es prêt? (1) 7 3 4 2 9 4 4 6 2. Opération table d'opération. Bouloche, parée à transmorphoser. J'attends ton signal, Bouloche. Pause. Miam miam. Au nom du perfuseur, du fil et du Saint-Bistouri, bon appétit. Fini. Bon, on y retourne. Bouloche, j'attends ton signal. Joli travail, Bouloche. Regarde comme ils sont beaux. Vous êtes magnifique. Vous n'êtes plus comme avant, mais vous êtes magnifique. Oh, ne traînons pas, le cracheur de choses ne va pas tarder. Il vient de plus en plus tôt ces derniers temps. Il faut nous en méfier. Rentrons. Bonne nuit à toi aussi, Bouloche. Bouloche, ça t'arrive de te demander si tout ça s'arrêtera un jour? Je veux dire, chaque jour, le cracheur de choses revient. Chaque jour arrivent de nouveaux blessés, des cabossés, des estropiés. Et tu crois qu'un jour, ça ira bien? Oui. Faites beau rêve, Bouloche. Je crois qu'un jour, ça ira mieux. Livraison du jour. Une radio qui grésille plus qu'elle ne chante. Un seau vidé d'envie. Un tapis qui sert d'auberge à une famille de mythes. Un sac à dos sans dos. Une chambre à air qui laisse passer un peu trop d'air. Un vison victime de pelade. De la porcelaine en morceaux. Une Bible sans Genèse. Quatre trousseaux de clés mais pas de serrure. Une poupée aveugle, chauve et cul-de-jatte. Un ordinateur dont on voit les boyaux. Un cerf-volant incapable de voler. Un cerf-volant. Volant. On pourrait en faire un cerf marchand, non? Je note. Tu... Ah! Bouloche, t'as vu ce que j'ai vu? Ça a remué là en dessous. Mais non, Bouloche, c'est pas la montagne qui a bougé. Je t'assure qu'il y a quelque chose là-dessous. Il y a quelque chose de vivant là en dessous. Comment ça, quelqu'un? Non. Non, ça doit être un animal. C'est peut-être un ours. J'ai lu quelque part qu'il existait des ours mangeurs de détritus. Tais-toi, Poloche. Oh, tu veux nous faire repérer? Si ça se trouve, c'est aussi dangereux que le cracheur de choses. Je suis mort. Un pied qui parle. Oh, je t'avais dit, Poulos, qu'il fallait se méfier. Je suis quelqu'un. Un pied qui se demande s'il est quelqu'un. Jamais vu ça. Il y a quelqu'un. Poulos, est-ce qu'on est quelqu'un ou pas? Je pense qu'il faut mieux l'observer avant de savoir si on est quelqu'un. On ne sait jamais. Peut-être que c'est un pied cannibale. Viens. Enfin. C'est fini. Maintenant, je suis tranquille. Boulosh, tu vois ce que je vois? Au bout du pied, il y a un homme. Oh, c'est un homme, non d'un poulon. Ici, je manque de rien. Il lui manque un bras, pourtant. Le royaume du silence. Oui, mais c'est un royaume occupé. Parfait. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Ne plus parler. Mais qu'est-ce qu'il veut ici? La paix. C'est la mienne que tu viens troubler. Jamais personne n'a mis les pieds ici. Mon nouveau chez moi. Ah non, toi tu es dans mon vieux chez moi. Bien. Très bien. Non, pas bien, pas bien du tout, va-t'en. Ici, je recommence à zéro. Il m'a pas bien compris, je crois. Maintenant, avancez. C'est ça, avance, bouge. Ne plus y penser. Pense à dégager, oui. Je n'imaginais pas ça comme ça. Il s'était imaginé venir ici. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, je suis toujours triste. C'est étrange. C'est toi qui es très étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Drôle. C'est pas drôle, c'est pratique. Inutile. Oh, l'irrespectueux, c'est toi l'inutile. Hein? Y a quelqu'un? Non. Rien. Tu entends, Boulosh? Nous ne sommes rien. Allons voir plus loin. Ça alors? J'aurais préféré qu'il ne soit qu'un pied. À la limite, un ours. Mais un homme! Ici, Boulosh, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on va devenir? Me calmer? Me calmer? Mais je suis pas énervée! Me calmer? Il y a quelqu'un, tu comprends? Il y a quelqu'un! Boulosh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un. Et ce que je sous-entends par là, c'est qu'il y a quelqu'un, tu vois? Comme si, d'une certaine manière, il y avait quelqu'un là, quelqu'un chez nous, quelqu'un, tu n'as pas l'air de saisir, je crois, il y a quelqu'un, tu vois? Oh, mais ça veut rien dire ce mot, quelqu'un, ça n'a aucun sens, tu vois? Lui parler? Je sais pas parler. J'ai jamais appris à parler. Enfin, je... Mais c'est que tu... Parce que... Mais tu vois, je sais pas parler. Et j'ai vu personne depuis si longtemps. Oh là là là là là là là là là là. Si seulement ça avait été qu'un pied, j'aurais su faire. Je m'entends très bien avec les pieds, tu sais. Mais un homme? Oui, peut-être, t'as raison. Il avait l'air triste. Il faut lui dire qu'il est chez nous. Je... Comment... Bon. Il est là. Martha. Si tu me voyais. À qui il parle? Même ici. En miettes. Je suis en miettes. Est-ce que tu crois que ça va s'arrêter un jour? Martha, tu te rappelles? Si tu y penses, t'en as de la chance. Si tu y penses, le monde immense. Si tu y penses, il y a les étoiles. Si tu y penses, ce que tu vis. Si tu y penses, c'est tout petit. Si tu y penses, alors souris. Hein? Y a quelqu'un? Tiens. Il était déjà là, ce tableau? Bizarre. De l'art abstrait. Moche. Très moche. Pas étonnant qu'il finisse ici. Qu'est-ce que ça représente, ce truc? Une guenon? Une harpie? Pas humain. Je vous prie de rester poli, espèce d'empiéteur de propriété. Je suis une femme. Oh. Ah, je fais si peur que ça? Non. Un peu. Mais lâchez donc ça, je vais pas vous Enfin, ça dépend. Est-ce que vous êtes cannibale? Hein? Est-ce que vous mangez les humains? Non. Alors je ne vous veux pas de mal. Lâchez ça. Vous aussi, lâchez ça. C'est Bouloche. Et je suis Lise. Georges. Vous êtes chez moi. Moi? Oui, vous êtes chez moi. Ici? Ici, oui, c'est chez moi. Chez vous? Oui, chez moi. Dites, vous parlez mal le français, vous faites exprès de répéter tout ce que je dis. Non. Non? Non, quoi? Quoi, non, quoi? Hein? Quoi? J'ai rien dit. Ah si, vous avez dit non. Oh, j'ai perdu le fil. Ah! Fallait le dire plus tôt. Et si vous en trouverez plein? Fil élastique, nylon, kevlar, large ou fin, en lin, coton, laine. J'ai même du fil de poil de yak. Donc, je suis chez vous. Eh ben, vous voyez qu'on s'y retrouve. Donc, vous êtes là pour chercher du fil? Non, du repos. Ah. Vous aussi, vous êtes... Je suis. Enfin, vous n'êtes plus... Faut savoir, je suis ou je ne suis plus? Vous êtes... Non, je ne... Pas, non. Enfin, vous voyez quoi? Difficile de voir quoi que ce soit avec vous. Morte? J'ai l'air morte? Non. Un peu. Non, mon cher, je suis bien en vie. Pas plus et pas moins que toi. Je vis. Maintenant, là, je vis. T'as des drôles de remarques. Bien sûr que tu vis. Tu respires, non? Peut-être même que t'as besoin d'aller aux toilettes, ou que t'as faim, ou envie de rire. Pas vraiment. T'en fais une tête. C'est pas si grave d'être en vie. On dirait que c'est la première fois que tu réalises que tu existes. Tu viens d'où? T'es tout seul? Bon, tant mieux. Je suis pas très habituée à recevoir du monde chez moi. Je peux rester? Rester? Oui. Où? Ici. Ici? Oui. Vous, restez ici? Là, c'est vous qui ne parlez plus bien français. Je sais, mais quand même... C'est-à-dire, il n'y a personne à part nous ici. Il y a beaucoup à faire, vous comprenez? Les objets, l'entretien, trier, ranger, découper, reconstruire, tout ça, ça fonctionne comme ça. Et avec Bouloche, enfin, je ne crois pas que vous puissiez... Me taire. Pardon? Me mettre dans un coin. Me taire. Je ne dérange pas. Je ne sais pas. Comme un objet. J'ai nulle part où aller. Vous ne me gênerez pas dans mon travail? Non. Vous ne toucherez pas aux inventions? Non. Vous ne ferez pas de commentaires? Non. Vous direz autre chose que non? Non. Bon. Dans ce cas-là, vous pouvez rester. Pour un moment, en tout cas. Et j'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide. Je ne suis pas très habituée, enfin... Tu sais, dire tu. Tu. Ce serait peut-être plus simple, non ? Tu ? D'accord. Bon. Maintenant, si tu voulais, veux. Bien. Enfin... Oui. J'ai du travail. Moi qui croyais que c'était fini. Drôle d'endroit. Alors, je vis. Maintenant oublié. Je suis bon à jeter. Martha, tu crois qu'un jour, ça ira bien ? Allez, Bouloche, on essaye la révision. Et Marc-Antoine et Cléopâtre, amoureux mais ayant tout perdu, fuient. Oh, génial. Oh, ça, c'est une télévision qui fait rêver. Joli travail, Bouloche. Inutile. Georges, vous avez faim ? Tu. Moi, oui, mais vous ? Tu as faim ? Oui. Moi, oui, j'ai faim, mais vous ? On dit tu. Tu dis vous. Ah, oui, pardon. Alors, tu as faim ? Oui. Alors, c'est croustille pour tout le monde. C'est quoi ? Spécialité maison. Des croustilles pneus. Des croustilles ? Pneus, oui. Des morceaux de pneus sautés aux petits oignons. Tu verras, c'est un délice. Non, merci. Bouloche a raison, hein, tu devrais essayer. Tu connais pas. Veux pas. Comment te dire, ça a un goût de... Pneu. Oui, c'est ça, mais pas comme tu penses. Veux pas. Goûte. Non. De toute manière, faut bien que tu manges quelque chose. Et ici, c'est ce qu'on mange, alors t'as pas le choix. Sans façon. Ici, faut être curieux et regarder les choses autrement, Georges. N'est-ce pas, Bouloche ? Tu crois peut-être avoir atterri dans une décharge, mais si tu ouvrais un peu les yeux, tu verrais que t'es dans un royaume. Tout est une question de point de vue. Royaume de l'horreur, ouais. Comment peux-tu savoir que les croustilles pneus, c'est pas ton plat préféré, puisque tu n'en as jamais goûté ? Pas envie. Tu manques d'imagination. Tant pis pour toi. Allez, viens, Bouloche, on y retourne. Pire que la mort, ici. Ne mange rien. C'est bizarre. Il ne sait même pas d'où il vient. C'est bizarre. Et d'ailleurs, Bouloche, on ne sait même pas comment il est arrivé ici. Et il n'a pas voulu répondre non plus quand j'ai demandé ce qui est arrivé à son bras. Peut-être qu'il s'est battu avec un tigre. J'ai lu quelque part qu'il existe des tigres mangeurs. Bonne nuit. Les tigres ne mangent pas les bras. Les requins, oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le cracheur de choses. Fais très attention à ce dragon. Deux yeux de feu qui pourfendent la nuit noire. Chaque soir, il récupère dans son immense gueule d'acier tout ce qui est bon acheté. Et il vient à la décharge, vomir son lot de nouveaux blessés. Méfie-toi. Une seconde d'inattention, et tu finis enseveli. C'est le cause de lui. Qu'est-ce que tu dis ? Bonne nuit. Bonne nuit, Georges. Martha ! Attends-moi ! Georges ? Georges, calme-toi ! Je suis mort ! Non, non, tu vis ! Hein ? C'est moi, Lise, et Bouloche, c'est rien, tout va bien ! J'ai cru que... T'en fais pas, tu n'es pas mort et c'est juste moi. Allez, on va dormir encore un peu, demain il y a du travail. Georges ? Comment est-ce que t'as atterri ici ? Et là-bas, tout au fond, c'est la gouille de l'égout. En été, on peut s'y baigner, c'est magnifique. Avec les ragondins, c'est aussi joueur que les dauphins, tu savais ? L'odeur ? On s'y fait. Pour moi, c'est celle de la maison. Et la journée ? Bon, on récupère, on trie, on déterre, on répare. Un fauteuil. C'est un fauteuil uniquement parce que tu l'as décidé. Et quand il ne peut plus remplir sa mission fauteuil, il peut très bien devenir une formidable chaise radiophonique. Regarde. Assieds-toi. Attends, lève le pied droit. Ah, non, pousse-toi. Faut se pencher plus en arrière. Voilà. Tu vois ? Je crois pas à la fatalité. Les objets ne sont jamais cassés, ils sont modifiés. Et toi ? Quoi, moi ? Si tu te sens cassé. Je sais pas, Georges. Tu vois l'arbre, là-bas ? À cet endroit, il y avait que des déchets de nourriture. Des carcasses, des épluchures, des croûtes de pain pourries, des fleurs fanées qui... flottait comme des îles sur une mer de lait caillé. Une odeur pestilentielle. Même moi, je trouvais que ça sentait trop le cadavre pour m'approcher, c'est dire. C'était une zone condamnée. Tout ressemblait à la mort, là-bas. Un jour, depuis ici, j'ai remarqué une petite pousse. Et chaque jour, je l'ai observée grandir, cette tache verte sortie du bousier et de la pourriture. C'est devenu ce petit arbre que tu vois là-bas, en pleine forme. Quand c'est dur, j'aime bien venir le regarder. Ça m'apaise. Un royaume. Le royaume des miettes, oui. Si c'était qu'un bras qui me manquait. T'en veux ? T'as faim ? T'as envie que je te raconte une histoire ? J'en ai de bonnes, hein, Bouloche ? Ah, tu veux jouer ? Le premier qui dit a gagné. Ouais, t'es fort. Bon, le premier qui dit plusieurs mots dans une phrase a gagné. Bon, d'accord, j'ai perdu. T'es pas drôle, Georges. À quoi tu penses ? C'est qui, Martha ? Pourquoi tu parles de Martha ? C'est pas moi, c'est toi. Cette nuit, t'as crié Martha. Personne. Mais tu... J'ai dit personne. Tu voudrais pas nous donner un coup de main au lieu de nous regarder faire tous les jours ? Moi ? Y a pas grand monde à part toi, ici. Inutile. Eh ben justement, je t'offre une possibilité de te rendre utile. Pas moi, je travaille. T'entends ça, Bouloche ? Tout est cassé, ici. Justement. Casser, ça veut pas dire enterrer. Un peu d'imagination, de patience, deux, trois outils, tchac, tchac, tchac. Tiens, tu pourrais t'occuper de découper ça, puisque t'as qu'un bras. Je suis désolée, je suis maladroite. Merci. Regarde, regarde comme il est joli ce pull. La couleur, on en mangerait. Un coup de scalpel et c'est réglé. Bouloche, prépare la salle d'opération. On a un nouveau patient. Tu trouves qu'il me va bien ? C'est démodé. Ah. Ça veut dire quoi, démodé ? Passer de mode. Ah. C'est quoi la mode ? C'est quelque chose qui ne dure qu'un temps, puis qui meurt. Ah, c'est une maladie, quoi. En quelque sorte, oui. Et tu l'as déjà eu, toi, la mode ? Non. Tu t'es protégée, c'est pour ça ? Non. Elle a pas voulu de toi, c'est ça ? Mais fais attention, les maladies guettent dans les coins, tu sais. Elles attendent juste le bon moment, la seconde inattention, le moindre relâchement, et bah ! Peut-être qu'un jour, t'auras une crise aiguë de mode. Oh là là, oh, j'ai attrapé une de ces modes. Oh, je crois que je suis en pleine crise de mode. J'en peux plus. Attends, je l'essaie. Oh, ça va mieux, je me sens complètement démodée maintenant. Tiens, mais ça, ça va te faire du bien. Je crois que parfois on tombe malade pour se différencier, tu sais. Je veux dire que c'est une façon de se sentir exister, tu sais. Se sentir exister, sentir qu'on a sa place, sentir qu'on est unique. Bon, il y a d'autres façons, bien sûr. Là, par exemple, avec ce chapeau, t'es complètement unique, tu vois. Là, je ne vois rien du tout. Non, mais tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas ? J'ai faim. Ma première impression n'était pas si fausse. Cet homme est un ours. Georges n'a même pas voulu se lever ce matin. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait coucher, il m'a répondu « j'oublie ». Il marmonne sans cesse, veut plus parler. Peut-être qu'il est vraiment en train de muter, de se transformer en... J'ai lu dans un livre que certaines personnes, suite à un choc, peuvent se changer en... Ah ! Bouloche ? Oh, tu vois ce que je vois ? C'est pas vrai. D'abord un pied, maintenant un bras. On dirait que cette décharge fait pousser des hommes. Allô ? Y a-t-il quelqu'un au bout du bras ? C'est complet ici, désolé. Bon, s'il me pousse des hommes tous les jours, je vais pas m'en sortir. Attends. Tiens, c'est bien un bras, mais sans homme au bout. Mais cette manche, je la connais, c'est celle de Georges. Un bouloche, l'autre bout du bras, c'est Georges. Le nom d'un boulon, c'est un homme qui arrive en pièces détachées. Oh, ça alors, moi qui pensais qu'il n'en avait jamais eu de bras. Oh, il va être content qu'on l'ait retrouvé. Oh, mais au fait, toutes mes excuses, je ne me suis pas présentée. Je suis Lise, enchantée. Je peux vous serrer la main, monsieur le bras ? Vous êtes donc le bras de Georges. Et c'est un homme plein de mystères. Hein. Bouloche, apparemment, son bras n'est pas beaucoup plus bavard que lui. Mais réessayons. Georges est arrivé ici sans raison, sans personne et sans bras. Vous le connaissez depuis longtemps ? Oh, mais je suis bête depuis toujours, vous êtes née avec lui. Est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que Georges est un ours déguisé en homme ? Bon, alors si vous voulez pas répondre, est-ce que vous savez pourquoi il est si triste et solitaire ? Je savais que même son bras resterait muet. Allez, viens Bouloche, allons compléter cet homme incomplet. C'est toujours là. Je n'y arrive pas. C'est toujours là. Ça ne peut pas sortir de ma tête, Martha. Je n'y arrive pas. Le plus déchet de tous, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux ? Bonjour, Georges. Boulos ne veut rien, il te salue, c'est tout. Comment tu te sens ? Abîmé. J'ai trouvé quelque chose dans la décharge qui pourrait t'intéresser. Besoin de rien. Je crois au contraire que tu en as grandement besoin. Pas besoin de peigne, merci. Mes cheveux vont très bien comme ça. Non, Georges, c'est pas exactement un peigne. C'est plus personnel que ça. En vérité, ça t'appartient déjà. À moi ? À toi. Je possède rien. On possède tous quelque chose. Ne serait-ce que cette carcasse qui nous permet de marcher, de manger et de jouer du... bidon. Du jerrycan. Je te suis pas. Alors dans ce cas-là, regarde par toi-même dans ce carton. Pas de blague ? Pas de blague. Je... Comment ? Où l'as-tu trouvé ? Il était dans la livraison du cracheur de choses. Georges, ça va ? C'est le tien, non ? Tu l'as perdu où, ce bras ? Mon bras. C'est mon bras. Georges ? J'ai perdu mon bras. Où ? Je suis où ? Bonne question. Georges ? Oui, Martha, j'arrive. Martha, non, moi c'est Lise. Georges. J'arrive, je discute avec mon bras. On s'est pas vu depuis longtemps, tu sais. You, Georges ? Est-ce que je vis toujours ? Oui. Des fois, je ne sais plus très bien ce qui fait la différence. Je vis, oui. Quand j'ai mal, je m'en souviens. Mal où ? À Martha. Martha ? Elle s'appelle Martha. Martha est de mauvaise humeur le matin. Elle dit que le matin, si on sent mauvais de la bouche, c'est exprès. C'est parce qu'il ne faut pas parler. Martha a une odeur de linge propre. Elle est belle comme un fruit qu'on voudrait croquer. Quand Martha sourit, ses yeux s'arc-boutent comme des contorsionnistes. Martha me rassure. Quand elle est là, je n'ai plus peur de ne pas savoir où je vais. Martha chante. Sa voix vient d'ailleurs, on dirait. Martha et moi, on rigole. On ne fait que ça, je crois. Rigoler. J'ai l'impression d'être un grand sourire quand je suis à ses côtés. Nous vivons ensemble avec Martha. Elle aime mettre de la confiture sur son fromage. Elle dit qu'elle fait ça depuis l'enfance et que l'enfance, ça laisse des traces qui ne partent pas au lavage. Martha est mauvaise joueuse. Elle m'énerve quand elle est comme ça. On dirait une tortue quand elle est comme ça. Martha aime courir des heures. Elle court jusqu'à ce que ses jambes deviennent du bois, alors elle dit qu'elle est devenue arbre, qu'elle peut s'arrêter parce que les arbres ne courent pas. Martha ne sait pas cuisiner, mais elle fait très bien semblant. Demain, elle a rendez-vous chez l'ophtalmologue pour ses yeux. Elle a les yeux trop secs, Martha. C'est bizarre. On lui reproche de ne pas assez pleurer. Je la médaille. Nous montons dans la voiture. Je conduis. Martha est assise à côté de moi. Elle a mis ses grandes boucles d'oreilles en or qui lui donnent un air exotique. Elles sont belles, ces boucles d'oreilles, Martha. Elles te vont bien. Elle a un beau profil, Martha. Mais elle est toujours en retard. Même quand Martha pourrait être à l'heure, Martha se débrouille toujours pour laisser passer les aiguilles jusqu'à devoir les rattraper. Aujourd'hui, Martha a cherché ses clés pendant très longtemps pour réussir son coup. L'ophtalmologue attend. Nous sommes en route. Martha raconte l'histoire du livre qu'elle est en train de lire, une histoire de révolution. Dehors, l'air est doux. J'enlève la ventilation. Je regarde devant moi. Je connais le chemin. Je mets mon clignotant. J'augmente le volume de la chanson qui passe à la radio. Je demande le nom de l'auteur. Je passe la troisième. J'ai soif. Je sens le parfum de Martha avec le vent qui s'engouffre par les fenêtres. Je dis « Encore 10 minutes ». Je tourne à gauche. Je rigole. Je rigole parce que Martha vient de faire une blague à propos d'une courge et d'une vieille femme. Je rigole quand la voiture qui vient en face change de trajectoire et nous percute de plein fouet. J'ai eu de la chance, ont dit les médecins. Comment peut-on dire cela ? J'ai eu de la chance, mais j'ai tout perdu. J'ai perdu Martha. J'ai perdu mon amour. J'ai perdu mon bras. J'ai perdu mon rire. J'ai perdu mon sens. Inutile. Je suis devenu inutile. J'étais cassé. J'avais les jambes comme Martha après avoir couru. Je ne pouvais plus bouger. Un bout en moins. Sans Martha. Je n'étais plus comme avant. J'étais hors service. Périmé. Abîmé. En miettes. Bon à jeter. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis jeté. À la poubelle? Tu t'es jeté à la poubelle? J'ai pensé que c'est comme cela que je devais finir. Que je ne valais plus rien. Et ce qui est inutile, on le jette. J'avais pensé que ce serait simple. Mais le cracheur de choses est venu contrarier mes plans. Il m'a amené ici, dans ce royaume. L'empêcheur. Il ne m'a pas laissé me décomposer. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait une vie après le vide d'ordure. Alors quand j'ai compris que je n'avais pas encore atteint ma date de péremption, quand j'ai senti que je vivais encore parce que j'avais encore mal, j'ai voulu oublier. Maintenant, je vais oublier Martha. Ôter cette histoire de ma tête. Comme on enlève un vêtement sale. Laissez tout cela hors de moi. Mais mon bras, là, c'est comme recevoir une grande claque. Oublier. Je veux juste oublier. C'est possible, ça? Aujourd'hui, Lise, j'aimerais que ma tristesse soit un membre et qu'on puisse me l'opérer. Amputer cette partie de moi qui fait mal. Je suis désolée. Drôle de cadeau que j'ai cru te faire. Je suis contente que tu sois là, Georges. C'est étrange. Moi non plus. Avant que tu arrives, j'étais plus tout à fait sûre d'exister. Hein? À force de ne jamais voir personne, tu sais. On s'oublie. Mais tu sais, je crois pas que c'est possible d'oublier. Non. T'as pas créé ça? Quoi? Une poubelle à oubli? Non. Une gomme à penser? Non plus. Un effaceur à images? Toujours pas. Georges, pourquoi tu veux oublier Martha? Parce que j'ai mal aux souvenirs. Une fois ici, j'ai trouvé un livre brûlé dont il ne restait qu'un bout et qui disait « Celui qui songe à oublier se souvient ». C'est vrai. Pourquoi tu voudrais enlever ce qui a compté pour toi? C'est une partie de toi maintenant. Tu as deux reins, deux poumons, un cœur, un estomac et une Martha. Elle me manque tellement. Si on lui construisait quelque chose... Hein? Oui, je veux dire... Tu me fais peur quand tu te mets à penser comme ça. Je veux dire... Un objet anti-oubli. Un contre-manque. Quelque chose qui te permette de dire « elle est là, Martha ». Là. Pas uniquement dans ta tête. Là. Un endroit à elle ? Oui, un lieu de recueil tristesse. Un endroit à elle. Qu'est-ce que t'en dis ? Georges ? À quoi tu penses ? Si tu y penses, t'en as de la chance. Si tu y penses, le monde immense. Si tu y penses, il y a les étoiles. Si tu y penses, ce que tu vis. Si tu y penses, c'est tout petit. Si tu y penses, alors souris. Mon horizon, c'était Martha. Sans elle, je suis sans repère. Mais peut-être que je pourrais lui faire une place dans mon paysage. Et tu sais, ton bras... Inutile. J'apprends à vivre sans. Rien n'est inutile, Georges. Regarde ce que j'ai encore trouvé. Des colliers guirlandes. Elle aimait les bijoux ? Oui, beaucoup. Merci. Je vais les mettre là. T'as pas vu Bouloche ? Je pensais qu'il était avec toi, je le trouve nulle part. Non. Dis, tu ne trouves pas que cela manque de quelque chose ? Bah, ça manque d'élévation. Tu voulais l'avoir dans ton horizon, non ? On va mettre quelque chose... au bout de ce bâton de ski. Tu n'aurais pas quelque chose à elle ? J'ai ce foulard. Son préféré. On va lui mettre la tête dans les étoiles. Comme ça, tu le verras de loin. Il est très beau ton recueil tristesse, Georges. Je crois que c'est bien. Martha, tu as ta place maintenant. Tu es là. Je te donnerai quelques larmes pour que tu n'aies pas les yeux trop secs. Tu vois, je ne t'oublie pas. Pourquoi tu fais tout ça pour moi, Lise ? T'as pas encore remarqué que j'ai un faible pour réparer ce qui ne tient plus debout ? Et toi ? Qui s'occupe de toi ? Oh, moi, inutile. Rien n'est inutile, Lise. À quoi tu penses ? Parfois, moi aussi, j'ai peur qu'on m'oublie. J'ai déjà tendance à m'oublier moi-même. Moi, j'oublierai pas. C'est en moi, maintenant. C'est toi qui l'as dit. Je savais pas que les ours pouvaient être gentils, parfois. Tout est une question de point de vue. Bouloche est parti. Tu en es sûre? Son carton maison n'est plus là. Ça devait arriver un jour. Bouloche est arrivé chez moi un matin sans prévenir et je savais qu'un jour il repartirait comme il est venu. J'aurais juste voulu pouvoir me préparer. Mmh. Je ne sais pas si on peut jamais être prêt. Mmh. Comme tu dis. Lui et moi, on était comme un seul. Pas besoin d'échanger un mot, on se comprenait rien qu'en se regardant. Tu crois qu'il est allé où? Découvrir d'autres horizons. Parfois, j'oublie que le monde s'étend au-delà des limites de ce royaume. Et moi, je pensais pas que le monde pouvait commencer dans les limites de ce royaume. Lise, j'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Pour toi. Pas de blague? Pas de blague. Prête? Je sais pas si on peut jamais être prête. Je me suis dit qu'il manquait quelque chose à la reine d'un royaume digne de ce nom. Et voilà votre couronne. Oh, oh, je sais pas quoi dire, Georges. Oh, je sais que je parle beaucoup d'habitude, mais là, je sais pas quoi dire. Dis-le sans mots. Je savais pas que tu savais... Attends. Et si on appuie sur ce bouton... Waouh ! Oh, la couronne clignote ! Ah ben ça, c'est de la reine de bonne qualité. Oh, j'aurais aimé que Bouloche me voie comme ça. La reine de la décharge va maintenant s'adresser à son peuple. Chers amis... En tant que reine du royaume des abîmés, j'aimerais que cette journée soit consacrée à toutes les amitiés silencieuses. à ces échanges qui échappent à la parole, je dédicace ces quelques mots bruyants au silence, aux pauses, aux respirations qui sont langage. Il est un être dont le seul regard vaut tous les discours, un être qui sait réconforter et faire rire sans rien dire. Où que tu sois, Bouloche, puisses-tu être heureux. Il va me manquer. Toi aussi, tu vas lui manquer. Lise? Oui? J'ai pensé à quelque chose. C'est un bon début. Mais pour cette chose, j'aurais besoin de toi. De moi? De toi. Tu veux bien m'aider? Si je peux être utile. Eh bien... C'est-à-dire... Oui? Je ne sais pas si c'est possible. Je me suis dit... Oui? Enfin... J'ai imaginé... Bon, dis-le, nom d'un boulon. Mon bras. Ah. Que tu pourrais... Que je pourrais. Je sais pas. J'ai jamais essayé avec un bras. Lui aussi, il est en mauvais état. Mais si j'échoue... Tu es une reine, Lise. N'échoue pas une reine. Non. Pas toute seule. Et sans Bouloche, j'y arriverai pas. Tu m'assistes? Moi? Toi? Je sais pas faire. Bon, et la couronne alors? Mais ça, ça n'était pas une partie de moi. T'as peur de quoi? Que cela se passe mal. Je suis une reine, c'est toi qui l'as dit. C'est avec toi ou c'est non? Oh. Puis, celui qui a tout perdu ne peut plus que gagner. Tout est là ? Tout est là. Bien, j'attends ton signal, George. Voilà, c'est fini. Vas-y, teste-le. Ça marche, ça marche. Le premier bras musical. Liszt, tu as réussi. On a réussi. Et regarde ce que je t'ai mis aussi. Un mini garde-manger avec un sandwich au reste. Incroyable. Merci, Lise. Merci. C'est mon plaisir. J'aurais jamais pensé pouvoir jouer du bras. Boulogne, t'aurais aimé voir ça. Un bras musical. Il fait doux. Hier, rien n'allait. Demain, ça n'ira sûrement pas. Mais aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que ça va bien? C'était comme si le monde entier s'était déplacé, comme s'il avait changé de forme et pris une nouvelle place. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. En fait, l'essentiel, c'est pas qu'ils eurent beaucoup d'enfants, c'est ils vécurent. L'histoire pourrait s'arrêter là, et ils vécurent. Bon, heureux, c'est pas mal non plus. C'est vrai qu'heureux, c'est pas mal. Elle était bien ton histoire, mais j'ai rien compris. C'était un peu décousu, non ? Plutôt recousu. C'est parce que j'ai trouvé plusieurs bouts de livres abîmés que j'ai cousus ensemble pour en faire un nouveau. Mmh. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit, Lise. Bonne nuit, maudit cracheur de choses. Georges, on avait dit que c'était que pour les grandes occasions. Je sais. Justement.